Ici Jean-Pierre Boivin, préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine. Dernièrement, nous avons annoncé la création d'Alliance Forêt Boréale. Nous souhaitons rallier tous les acteurs socio-économiques à sa cause. La défense de la foresterie durable, du droit de récolter et de créer de la richesse en mettant en valeur la forêt boréale. Vous pouvez dès maintenant devenir membre gratuitement en vous rendant sur le site allianceforêtboréale.org. Le mois de l'arbre est l'occasion de réaffirmer que la forêt est une richesse collective. Soyons-en fiers. Bonjour, ici Richard Hébert. Le mois de mai, c'est le mois de l'arbre et de la forêt. Ici, à Debout-Mistassini, on y croit. Parce que le plus grand parterre forestier du Québec, c'est ici, chez nous. La ville de Debout-Mistassini vous invite à prendre conscience de la richesse qui nous entoure, la forêt. Bon printemps à tous. Ça a vraiment été exceptionnel en fin de semaine au Connecticut. On parle évidemment du golfeur Kevin Fortin-Simard qui a terminé au premier rang du tournoi des qualifications qui aura lieu, qui avait lieu au Connecticut. Ce qui lui donne le droit, c'est de participer à un autre tournoi de qualification. On en parle avec lui. Salut Kevin! Kevin, surpris en terminant en première place, c'est vraiment exceptionnel là pour un gars qui, bon, qui joue certainement au golf, mais jamais comme avant. T'es-tu surpris de ça? Oui, un petit peu. C'est sûr que mes objectifs étaient c'était raisonnable. Donc, j'étais là-bas parce que j'avais l'impression que si je jouais une bonne ronde, j'étais capable de passer puis justement d'avancer à la prochaine étape. Sauf que la belle surprise là-dedans, c'est que j'avais pas nécessairement mon meilleur golf, pas que je jouais mal. Là. J'ai fait un paquet de bonnes choses, mais il y avait certainement des choses qui étaient pas à point. Puis ça a quand même été mon jeu court m'a sauvé pas mal. Là, puis ça a été suffisant pour justement terminer d'un en bas du par, puis après ça, ben premier égalité avec un autre joueur. Donc c'était une belle surprise, je sais pas. Est-ce que le terrain, comment était le terrain? Pas facile, il était il se défendait bien, mais la météo en tant que telle déjà là était pas superbe. Puis après ça l'herbe longue était très très pénalisante, okay. Était super longue. Et après ça, les verts très rapides. Puis c'est quand même malgré ça que je joue pas autant que j'ai déjà joué, bien entendu. Là, ça a toujours été des conditions que j'aimais. Donc quelque chose que je trouvais qui ressemblait beaucoup à mon golf. Là, ça me chercher souvent le meilleur de moi-même. Là, donc, puis j'imagine que c'est quelque chose que j'ai conservé parce que je me sentais relativement à l'aise malgré le fait que le terrain n'était pas évident. Là, fait que ça m'a bien fait. OK. Parlé. Justement, si on parlait... Ça va te donner le droit, comme je disais d'entrée de jeu, je pense, à participer à un autre tournoi, c'est ça? Les qualifications? Oui, exact. Mais dans le fond, c'est une qualification qui se fait sur deux étapes. Okay. Là, donc, la première, c'est ce qu'ils appelaient la qualification locale. Il y avait 9 000 qui essayaient de passer dans différents spots là, pour passer à la deuxième étape. Donc, bon, c'est sûr, assez chanceux de passer justement à travers ces 9 800 là. Ben, je suis un parmi je sais pas exactement combien de joueurs. Là, mais la prochaine étape, ça se trouve, va être le 8 juin. Ça va être 36 trous dans une journée. Il va y avoir 10 endroits différents où il va y avoir une qualification comme ça. Puis là, à ce moment-là, il y a les joueurs là aussi la PGA là, qui sont pas exemptés pour le US Open qui vont se trouver à être redistribués un peu partout dans les États-Unis pour cette qualification là. Donc c'est sûr que le calibre de jeu va être pas mal plus élevé, mais bon, je vais essayer de mettre un petit peu de temps dans mon golf d'ici là, puis sait-on jamais. Si jamais ce matin-là j'ai du bon golf dans le corps, ça pourra peut-être être super. Est-ce que il en gardait comment? Parce que tu as dit il y a 900 joueurs, mais il en gardait comment? Moi, dans ma qualification, il y avait 6 joueurs qui avançaient. Okay. Sur les 100, au début, je pense qu'il y avait 114 inscrits. Là. Donc, il y en avait 6. Puis c'était un peu comme ça. Là. Moi, je sais que je participais à une des grosses. Donc, partout où il y avait des qualifications aux États-Unis, là, c'était entre 3, 4, 5, 6 joueurs qui avançaient, dépendamment de l'endroit où les joueurs allaient se qualifier. OK. Puis des 9000 joueurs, c'est-tu pas mal de calibre? C'est-tu un calibre quand même intéressant, la plupart? Là, je veux dire, c'est-tu dans, au moins, à tout le moins, là, au minimum, le circuit que tu as déjà participé là, en dessous du Nationwide? Est-ce que c'est un peu... C'est dur à évaluer. Okay. En bout de ligne. C'est des... Bon, il y avait des joueurs professionnels, majoritairement des professionnels. Puis après ça, il y avait des amateurs aussi, là, mais le standard assez élevé pour dire bon, je pense que c'est les joueurs de un handicap pouvaient s'inscrire là et moins là, seulement. Donc le calibre de jeu était bon, oui, à savoir à comparer avec les circuits que j'ai joué avant, c'est pas facile à évaluer là, parce qu'une journée comme ça, moi j'ai vu deux joueurs jouer simplement. Là, fait que dur à dire, mais c'est pas c'est des calibres de jeu quand même relativement là le prochain tournoi, on en a parlé un peu, c'est le 8 juin prochain. Est-ce que le calibre va être relevé aussi? J'imagine que plus ça va être élevé encore. Ou t'as bon espoir encore de passer cette coupure-là? Ah ben forcément que le calibre de jeu risque d'être un peu plus relevé lors de la première étape, mais en même temps, c'est vraiment des tournois d'une journée comme ça, c'est beaucoup plus de timing. Donc la majorité des joueurs qui vont être là, il n'y a pas une tonne de gars que ça va être par coup de chance. Ouais. Tout le monde est capable de jouer une bonne ronde. Donc ça va être vraiment un concours à savoir cette journée-là. Les joueurs qui ont du bon golf dans le corps risquent de se démarquer des autres. Là, je pense pas que c'est rarement des joueurs qui se pointent sur des tournois comme ça, lorsqu'il y a des joueurs de la PGA à travers ça, là, qu'avec du golf bien ordinaire, ça marche quand même. Là. Fait que c'est sûr que le 8 juin, il va falloir que je joue probablement un petit bien meilleur golf que ce que j'ai fait lundi. Mais dur à évaluer là, avant d'être sur place, de savoir qui est là, puis le terrain, tout ça. Fait que je vais en savoir plus la semaine prochaine, puis après ça, ben, on verra rendu. Kevin, 36 trous dans une journée, c'est beaucoup. Ça veut dire, c'est quoi? C'est au moins 10 heures de golf. Faut quasiment que tu sois en forme, d'une forme resplendissante pour faire ça. C'est beaucoup, 36 trous, là. Ouais, c'est tough. C'est très dur. Mettons que je l'ai fait un petit peu quand j'étais à golf universitaire. C'est les occasions de jouer 36 trous dans une journée pour des tournois. C'est assez rare, là. Fait que forcément, c'est sûr que je devrais faire un petit peu plus de jogging dans les prochaines semaines afin de me préparer pour ça. Parce que bon, je me tiens en forme, oui, là, mais pas de façon, j'ai pas tant de temps que ça à mettre là-dedans, mais je vais essayer de faire un effort de ce côté-là, juste pour être capable de justement pas me ramasser que j'ai une bonne journée justement le 8 juin, mais que par raison de fatigue à la fin, ça tient pas à la route. Là, donc, j'aimerais pas ça sentir que c'est parce que j'étais fatigué que j'ai échoué. Donc, je vais essayer de me mettre dans les bonnes conditions, puis justement d'essayer de profiter de cette journée-là, puis ça va bien. Maintenant. Kevin, est-ce que ça te donne le goût de recommencer? Je sais qu'on en a parlé l'année passée, tu me dis non, je fais ça pour le fun. Mais quand tu vois tout ça, là, tu as performé l'année passée, ça a super bien été. Cette année, encore une fois, tu joues quasiment pas, tu finis en première place. Donc, le talent est là. Il y a peut-être des choses que, peut-être là, tu as pris 3-4 ans de maturité. Il y a peut-être des choses que tu, d'abord avec de la pratique, tu serais certainement encore, tu serais certainement un très très bon golfeur. Est-ce que tu as le goût de recommencer quand tu vois tout ça? Avec la maturité de plus, plus de la maturité. C'est dur à bien dur à évaluer parce que bon, en même temps, le goût de jouer à ça, c'est une chose, mais à un moment donné, j'ai tout le côté réaliste en arrière de ça, parce que c'est une chose d'arriver puis prendre ma valise, partir, puis tout laisser ça là, puis dire c'est beau, je fais plus une scène, puis ça passe ou ça casse. Parce qu'à un moment donné, c'est quand même plus les années avancent, plus c'est difficile d'accéder à PG. Parce que les gars, c'est un peu un genre de syndicat, puis ils ferment les portes parce qu'ils se protègent, là, parce que c'est une belle qualité de vie. Donc c'est de moins en moins facile. C'était plus facile il y a quelques années quand je le faisais. Ça s'est compliqué pas mal depuis ce temps-là. Je dirais que pour l'instant, en fait, je me considère bien chanceux d'avoir d'avoir vraiment le hockey des administrateurs et des membres ici de me laisser le droit d'en faire, justement. Puis bon, regarde, j'ai terminé ma ronde lundi, je me suis tapé avec la famille, là, avec mes parents, puis ma blonde qui était là, puis un de mes chums qui était venu cadet, et on s'est tapé la route de retour de nuit. Je suis arrivé à Champagne, je pense qu'il était 8h du matin, puis à 9h, j'étais au bureau hier. Fait que, puis je suis ici ce matin, puis je suis pas en train de regretter puis de graffiner que j'aimerais tant ça, être en train de jouer dehors, là, puis de pratiquer. Fait que je suis comme dans un état où j'aime ça, aller prendre part à des compétitions, oui, mais j'aime ce que je fais ici aussi en même temps. Fait que d'être comme un peu entre les deux, puis jouer là-dedans, puis d'avoir le hockey de tout le monde, ben c'est ça me satisfait amplement pour le moment. Puis sait-on jamais, bon, si je qualifie puis que j'ai l'occasion d'aller jouer des gros tournois comme ça, ben là, rendu là, on évoluera, mais c'est avec bien des filles qu'on va avoir. Des filles qu'on va à Paris. Dernière question, ça va être quoi, là, ton été? Il y a les qualifications du US Open. Après ça, est-ce que tu vas participer à des tournois québécois sur le circuit québécois? Je regarde tranquillement, pas vite. C'est pas facile. Je sais que l'année passée, bon, le Omnium du Québec que j'avais joué, normalement, je devrais rejouer ça, là, au Club de la Faune à Québec. Donc, c'était la mi-juillet. Je regarde, là, peut-être, l'année passée, j'avais essayé de qualifier pour l'Omnium canadien, là, le tournoi de la PGA qui joue en Ontario cette année à Grenabé. Donc, je suis en train de regarder, peut-être que je vais être capable de squeezer ça dans mon horaire. Mais bon, c'est pas nécessairement toujours évident, fait que je devrais pas en jouer comme 12, je penserais pas. Mais bon, si je réussis à en faire 1, 2, 3, 4 ici et là, ben je vais être ça va être bien correct pour moi. Puis après ça, ben on va voir avec le 8 juin, ça tombe jamais, là, celui-là. Si ça veut faire puis que je passe à la prochaine étape, ben ça en sera un bain assez gros pour satisfaire mon envie de jouer au golf. Ben Kevin, un gros merci. On va te suivre de près puis on se surveille le 8 juin prochain. Ben, le golfeur Kevin Fortin-Simard. Merci, Danny.